Mais avant, puisqu'on a parlé de philosophie, c'est l'heure de donner la parole à celui qui est un peu notre Platon, même s'il est plus taverne que caverne. C'est le fameux Aymeric Lomprey. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, mais là, j'ai rien entendu. Et vous devez deviner qui je suis. J'ai faim, j'ai faim. Du pâté sur la croûte de pâté. Et prendre pâté. Wow. Aymeric Lomprey, président du Sénat. Parce que c'est Gérard Larcher, ouais, président. On l'avait. Ouais, et comme il a un IMC, on dirait que c'est un PIB. Et bah, c'est des blagues, le physique, c'est rigolo. Allez, l'actualité, elle attend pas. L'actualité, c'est pas un gros con qui enlève ses chaussures dans le train et qui est là. Allez, je fais aller mes doigts de pied au rythme de mes sifflements. Excusez-moi, l'ingénieur son, mais là, putain, désolé, j'ai écrit ma chronique dans le train Paris-Antibes. Le Paris-Antibes en première classe, c'est le plateau de CNews, hein, je te jure. Putain, même les contrôleurs, qui sont là, normalement, ils sont de gauche, tu vois. Tu sais, la porte, elle s'ouvre, ils sont là. Vérification de vos tickets de voyage en or. Félicitations, vous êtes en première classe. Cela signifie que quand on veut, on peut. Qui veut du dauphin? Alors là, je sais ce que tu vas me dire, Guillaume. Tu vas dire, gne gne gne, pourquoi tu voyages pas en seconde alors que t'es de gauche, gne gne gne, et tu dors dans des 4 étoiles. C'est du management toxique, Guillaume. Je craque, Guillaume, je craque. C'est comme quand tu dis, regarde, Aymeric, ça, c'est du savon. Ou quand tu dis, Aymeric, je t'ai acheté 17 burgers, tu vas tenir jusque midi. Et aussi quand tu dis, tes chroniques, ça tient juste sur ton clown, t'articules autant que le genou d'un vieux. Ouais, j'y arrive plus, Guillaume, j'y arrive plus. De faire quand c'était Charlie de la chef. Elle était gentille. Je veux retourner à France Inter. Nagui, prends-moi. Moi aussi, je sais faire semblant d'avoir aimé un film. Je jure. Les fougères de demain, mais c'est un carton. Allez, reprends-toi, Aymeric. Fais-le pour tes fans. Bon, j'ai regardé le discours de Michel Barnier à l'Assemblée. Bon, et pas mal. Et Barnier, quand même, il a du couillasse, hein, pour parler devant 577 personnes alors qu'il n'y a que 5 potes dans la salle. C'est vraiment le suppléant, du délégué supplément qui doit annoncer à toute la classe que finalement, il n'y aura pas la sortie à Nigloland. Mais lui, il est là. Il n'y aura pas de sortie à Nigloland et je vous encule. Voilà. Et à chaque fois que je vois un politique parler, moi je me dis, mais quelle horreur ce métier! Personne ne devrait avoir envie de faire ce métier, quoi. Ça devrait être la loose d'être politique. T'es dans un monde normal et sans mégalomaniaque, les politiques, ça devrait être tiré au sort, quoi. Tu vois? C'est genre, et c'est Sophie à l'éducation. J'y connais rien. C'est pas important. Ou alors par téléphone, quoi. Allô, Didier Dupont? Oui? Vous êtes ministre de l'Intérieur. Oh putain, fais chier. Sophie, quoi? Je suis ministre de l'Intérieur. Attends, tu vas rire, moi je suis ministre de l'Éducation. Quoi? Mais c'est fou qu'on soit tous les deux. Mathéo, c'est qui au téléphone? Alors vous allez pas me croire, moi je suis ministre de la Jeunesse et des Sports. Quoi? Mais c'est pas possible qu'on soit de la même famille et tous ministres. C'est... Bon, là j'ai pris un exemple très très rare, mais c'est pour avoir un regard acerbe et décalé. Charline, elle adorait quand je faisais ça. Bon, allez, pense à autre chose. Bon, Barnier, je peux vous résumer son discours. Gne, gne, gne, territoire, acteur, collectivité, dette, flexibilité, sécurité, travail. Alors Barnier, lui, carrément, il veut faire rebosser les médecins à la retraite, lui. Moi, il est hors de question que je me fasse soigner par un gars qui n'a pas exercé depuis 5 ans. Pourquoi j'ai un doigt dans le cul, docteur Calvez? Pardon. C'est ça, je me disais, il y avait quand même pas mal de sœurs humaines. C'est remboursé par la sécu. Pareil, il veut faire bosser des profs retraités. Docteur Calvez, on est en classe, pourquoi j'ai encore votre doigt dans mon cul? C'est parce que je cumule de boulot pour ma retraite et l'effort national. Hey, Barnier, c'est pas parce qu'on est allé te chercher à l'EHPAD qu'il faut faire pareil avec les Français, hein. Putain. Alors si, il y a un moment, il a quand même dit, mais très très vite, hein, il a dit, les riches vont aider, hein. Les riches, ils vont aider. Quoi? Non. Oh, vous êtes sourds, quoi. Le TGV numéro 9456 en provenance de Paris-Gare de Lyon et à destination d'Antibes, TGV, entre en gare. Désolé, mais le train est arrivé en gare avant la fin de la chronique. Merci de m'avoir écouté. Oh là là. Aymeric Lomprey, messieurs, dames. C'était pas mal, c'était pas mal. Non mais là... C'était... Ouais. Là j'avais trop de salive, j'ai bafouillé. Ouais, faudra retravailler. Mais merci quand même, merci. Ouais. On embrasse Michel Barnier qui m'a appris tout le management, c'est lui en fait.